CMP Familia. Ouais. 1998, yo. Moubak dans la place. Laisse ton corps derrière ma trace. Mes mots font des phrases quand j'excelle comme Naz. Mat, comment Moubak plane sur la basse. Flow efficace, je joue lassé sur le beat, je fracasse. Passe la masse avec audace, sur un genre Barabbas. Sur la mission, je guette mes proies, atteint la rapace. Ma voix s'impose dans le palace. Je contrôle mon univers impitoyable, je suis comme JR dans Dallas quand je fuck les bitches. Bouffant les MC comme des sandwiches. Sur la mission, mes skills excellent dans différents mixes. Je danse avec le diable de Paris à Kinshasa. Explosant comme la bombe à Moubak et Gali Hiroshima. Pour les MC, je suis le drama. Bras droit du Bouddha sur la mission. Le diable m'appelle Sida car je deviens l'unique solution. Les MC ont avalé du poison. Je pressens pour l'audition. Moubak, commandant du meilleur escadron. Pouvoir mélange de Zeus et de Poséidon. Je possède l'antidote. MC scientifique comme Large Professor. Et yo négro, appelle-moi Aristote. Quoi? Check ça, je suis sur la mission. MC, fais attention. CMP production sur la mission. Toi, yeah, yo, check ça, je suis sur la mission. MC, fais attention. Moubak, rot sur la mission. Je me pose, assurant du début à l'apothéose. Je suis un virtuose, un petit cerveau de la psychose. Débarque dans la Messi, mes rimes sont des prophéties. Je check le MIC, on voit les MC au maquis. Quoi, Moubak vole vers le T.O.P. mon IP Éthiopie. Sur la mission, je terrasse tous mes ennemis. Quand je rime en crescendo, maître du tempo, je poursuis ma route comme l'équipage de la Calypso. Je fume des rappeurs comme des bedos. Je suis dans l'autre niveau, plan en solo, brisant la loi du silence de la mafia de Paris à California. Mes adversaires prient l'Ave Maria, car je suis apocalyptique, longévité vinylique. Je m'installe sur la version avec la meilleure des techniques. Les MC seront jetés au lion, joués sur l'échec et comme les pions. Alors que je suis le roi, Sia Moubak, l'homme qui causera la transition. Sur la mission, je vous conseille à tous de faire très attention. Nouveau monde, nouvelle génération. CMP production, wow. Check ça, je suis sur la mission. MC, fais attention. Dom et Lydia sur la mission. Wow, wow, Samira, check ça, je suis sur la mission. MC, fais attention. Moubak, CMP. Je m'installe, lauréat du trial. Fuck la compétition, ma présence poussera certains à changer leur ambition. Car j'excelle, ma dose sera mortelle. Mon style est le meilleur cocktail, la vie un récit. Ma technique la fait du fairy tale, mais un cauchemar pour tous les MC. Moubak MC, mon nom restera dans tous les esprits. Je cause l'hémorragie, mettant les MC en état de emergency. Quand je brise la barrière, au péril de leur carrière. Du haut du belvédère, je mate vers leur dernière prière. Hey yo mec, je suis la foudre, j'apparais comme l'éclair. Grande comme le tonnerre, vous serez tous victimes de ma colère. L'œil du cyclone témoin, Moubak MC nomade de face comme la tornade. Après mon passage, il ne restera plus rien. Sur la mission, je reste serein, mes ennemis sont en déclin. Mec, je suis l'assassin, je deviendrai le maître de vos maîtres. Ouais. Avant que la mort me ramène auprès de mes ancêtres. Yeah. Ouais. Check ça, je suis sur la mission. MC, fais attention. Le 9-8, yo, pour la mission. Toi, yeah, check it out. Check ça, je suis sur la mission. MC, fais attention. Représente le 9-5 pour la mission. Yeah, ouais. Moubak, rappeur Ross, rappeur Doms, rappeur Elijah. CMP Production, CMP Famille.